La compagnie des auteurs, c'est parti. Elle vous est proposée par Laurence Millet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Gauthier Amiel et Corinne Amar, avec également à la console Bruno Gagnère-Fontanil. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle semaine, un nouvel auteur. Nous parlons jusqu'à jeudi de Roman Katchev, alias Romain Gary, alias Émile Ajar, alias beaucoup d'autres. Gary pourrait être un classique et il l'est devenu d'une certaine manière. Les lycéens lisent les histoires de Madame Rosa dans La vie devant soi, publiée sous le nom d'Émile Ajar. Leurs parents ont aimé La promesse de l'aube, ne serait-ce qu'à cause de son très beau titre et de cette phrase terrible qu'il contient. Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait une promesse qu'elle ne tient jamais. Mais a-t-on vraiment placé Gary à la place que mérite son œuvre? C'est ce que nous allons tenter d'apprendre cette semaine. Et nous le ferons jeudi avec un haut fonctionnaire passionné de littérature. Après tout, Gary était bien lui aussi un serviteur de l'État, puisqu'il a travaillé comme diplomate. C'est le directeur de la Cité de l'architecture dont il s'agit, Guillaume Selem. Il viendra nous parler de Gary car il a publié il y a quelques années un livre sur ses différentes identités. La veille, Myriam Anisimov, sa biographe qu'il a connue intimement, nous racontera elle plus précisément ses années américaines. Elle nous parlera aussi du genre d'homme qu'était Gary. Enfin demain, avec Jean-François Angouette, nous nous pencherons sur la question de la langue, ou plutôt des langues, chez ce polyglotte qui était l'auteur de Gros câlins. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission biographique du lundi, nous sommes avec vous, Jean-Marie Cattonnet. Bonjour. Bonjour. Vous écrivez des romans et des essais. Vous avez notamment écrit Romain Gary de Villeneuve à la rue du Bac chez Solin, Actes Sud, en 2010. C'est le retravail d'un livre que vous aviez déjà publié, mais enfin vous avez évidemment beaucoup augmenté ce travail. Vous l'aviez fait en 1990. Pourquoi avoir repris? Beaucoup de choses ont changé depuis. Oui, dans la mesure où, lorsque j'ai écrit ce premier ouvrage en 1990 pour Pierre Belfond, j'ai pris tout ce que je pouvais apprendre de Gary au pied de la lettre. Donc, et surtout ce que lui-même disait de lui. Tout ce qu'il disait de lui et des autres. On ne parle pas du tout de son père dans La promesse de l'aube. Sa mère est soi-disant a été une comédienne russe. Il serait né, lui, Romain Katchev, à Moscou, il a jamais mis les pieds en Russie. C'est donc à mesure. C'était le premier ouvrage. Il y a eu un ouvrage avant, il y a deux trois ans avant, en 87, je crois, de Dominique Bonnat sur une première biographie là. Et là, c'était le second ouvrage, mais moi, j'approfondissais à la fois la vie hein, et surtout l'œuvre. Et donc, comme tous les pionniers qui défrichent un terrain nouveau, je me suis aperçu qu'il y avait tellement d'erreurs qu'il n'était pas possible de laisser en l'état sur le plan littéraire. Et oui, c'est pas facile d'écrire sur quelqu'un qui est tout de même un peu affabulateur, on va le voir au cours de cette émission. Entre-temps, vous aviez écrit beaucoup de choses et notamment un essai biographique consacré à Raymond Queneau. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, puisque c'est Queneau qui a été à l'origine du refus du premier roman de Gary sous son pseudonyme d'Émile Ajar par les éditions Gallimard. Ça s'appelait Gros câlin, Jean-Marie Cattonnet, ce livre. livre. Oui, oui. Alors là, il y a là aussi des rumeurs qui persistent. J'ai plusieurs fois rencontré dans des colloques sur Romain Gary Roger Grenier, qui était au fond une sorte le correspondant de Gary chez Gallimard, en même temps d'ailleurs que Robert Gallimard. Et lui n'a pas souvenir de cela, que c'est Queneau qui aurait refusé. Mais pourtant, on dit que Queneau avait dit c'est forcément quelqu'un qui a du métier, ça peut pas être un premier roman. Ce qui est sûr, c'est sûrement un emmerdeur. C'est sûrement un emmerdeur. Là, il s'était pas un but de lui-même, un but de lui-même aussi. Il s'était pas trompé du tout. C'est un caractère exécrable, Romain Gary. Oui, quand même. Oui, oui. On n'est pas là pour juger de la personne. Une personnalité fascinante, mais certainement très difficile à vivre. Mais enfin, je pense que Jean Racine ne devait pas être le meilleur copain du monde au XVIIe siècle. C'est comme cela. Alors, Leslie Blanche, qui était sa première femme, le présente dans ses mémoires comme un narcissique, un neurasthénique, un égoïste et même un mauvais aviateur. Vous croyez que c'est vrai, ça? Je ne sais pas si c'est vrai. c'est curieux qu'elle est. Son témoignage est plutôt positif et humain. Alors, mauvais aviateur, de toute façon, Gary n'est pas un aviateur. Alors, on va parler de ça, mais je voudrais... Il n'est pas pilote. D'abord écoute Leslie Blanche, justement, dans une archive où elle est quand même un peu plus amène. Non, la chose qui était terrible pour lui, vraiment terrible, était qu'il a atteint toute cette gloire. Tout ce que vous voulez, de l'argent, une famille finalement, tout. Et sa mère n'était plus là pour voir comme il a réussi. Il était rongé par ça, rongé. Et je m'appelle un jour, je ne sais pas, nous en parler de quelque chose, et il a eu une mal de dents ou quelque chose absurde. Et j'ai dit, oh, c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut le faire, da, da, da, da. Il a dit, ça m'est égal, vous savez, je me déteste tellement que j'accepte douleur et malheur. J'ai jamais oublié ça. Non, il a considéré que le malheur était l'état normal plutôt. Le malheur comme l'état normal, Jean-Marie Cattonnet. Oui, c'est un dépressif. Le contraire de l'image qu'il, de force, de puissance qu'il rendait de lui, de confiance, d'arrogance même, qui faisait que on n'aimait pas. Enfin, quand j'étais jeune, je n'aimais pas Gary. J'avais aucune envie de lire cet auteur de best-seller. Ça, c'est sûr. En fait, ce que l'on sait de lui maintenant contredit complètement cette image de macho. C'est un dépressif, multipliant parfois les menaces de suicide, et c'était pas une menace puisqu'il a fini par passer à l'acte. Oui, une sorte de neurasthénie, j'allais dire slave, si l'on veut rentrer dans les clichés. Alors je sais pas si on va rentrer dans les clichés, mais en tout cas, on va rentrer dans la biographie. Il est né le 8 mai 1940 à Vilnius. Aujourd'hui, 1914, évidemment, à Vilnius, aujourd'hui Vilnius. Il est né en 40 en tant que résistant. C'est une seconde naissance. Oui. Vilnius, c'était l'Empire russe, tout de même, oui. À l'époque. Vilnius... Il est donc né russe, quand même. Il est né russe, oui. Mais très vite, la Lituanie a été occupée par les Allemands. Et ensuite, dans le partage qui a suivi la Première Guerre mondiale... Vous voyez, vous aussi, vous vous trompez. Oui, la Première Guerre mondiale... j'étais pas né sous la Première Guerre mondiale encore. Et donc, c'est la Pologne qui va... Donc, de Russe fictif, finalement, il devient... polonais, alors là, effectivement, dans la mesure où il va habiter et faire ses études, tout gosse, à Varsovie, avant de passer, bien évidemment, à la fin des années 20, en France et à Nice, et exactement. Mais en tout cas, s'il y a Vilnius, Varsovie et Nice dans son itinéraire géographique, il n'y a pas Moscou, dont il s'est très souvent vanté. Alors la Pologne, c'est quoi? Ça représente quelque chose quand même pour Romain Gary, ou finalement c'est très lointain pour lui, et non, dans sa biographie ça ne comptera pas beaucoup. Il se sent polonais, de même qu'il se sent russe. Hein, bon, de même qu'il se sent français. Et bien évidemment, bien qu'aucune goutte de sang français, comme il l'a dit, ne coule dans ses veines. Je ne pense pas qu'il se sente lituanien. D'abord, il a quitté la Lituanie très très vite, à 5-6 ans. Il se sent russe, et il parle russe d'ailleurs. Il se sent polonais, qu'il finira par quitter. Enfin, c'est sa mère plutôt qui, après la séparation avec son père. Et ces origines-là, il ne les reniera jamais. C'est d'ailleurs un des rares grands auteurs français qui a une culture qui nous sorte des universités, comme on disait à l'époque, gréco-latine, marquée par l'influence des grands romanciers russes. Il le sera aussi par les grands romanciers américains. En tout cas, par les grands romans, les best-sellers qui se vendent plutôt et nous, à une certaine époque, on adorait la littérature expérimentale, etc. C'est ça qui vous empêchait, vous le disiez à l'instant, finalement, d'apprécier Gary, mais vous avez apprécié Ajar, car vous ne saviez pas, et oui, qui le savait à l'époque, qu'il s'agissait de la même personne. Peut-être aurez-vous l'occasion de nous en parler. Alors, les souvenirs d'adolescence, si les souvenirs d'enfance vont être un peu polonais, ceux de l'adolescence vont être niçois, puisque c'est à Nice qu'avec sa mère, il s'installe. Pourquoi finalement cette ville ? C'est une ville où se sont réfugiés de nombreux Russes, alors, hein. Non pas les Polonais, parce qu'ils se croyaient libres à l'époque, mais après la révolution de 1917, nombre de Russes blancs, bien évidemment, se sont réfugiés sur la Côte d'Azur, et particulièrement à Nice, où il y avait, alors je ne sais pas si elle a été construite pour eux ou si elle existait déjà, une église ou cathédrale, je ne sais pas, orthodoxe, qui existe encore. C'est vraiment, avec Paris quand même, il y en a beaucoup qui ont séjourné là, Nice était la seconde ou la première patrie des Russes blancs réfugiés. Et d'ailleurs, il n'oubliera jamais Nice, puisque ses cendres sont dispersées, oui, en mer. En mer, en face de Nice. C'est son adolescence. C'est là où il se fera des amis, avec lesquels il restera ami, les Agides, par exemple, à qui le couple Agide, Gary leur a dédié La Promesse de l'Aube, c'est pas n'importe quoi, hein. Il restera en contact avec eux jusqu'à la fin de ses jours. Agide était médecin, un grand médecin, un professeur de médecine d'ailleurs, et il avait comme patient son ami Gary, qui était insupportable, qui était souvent malade imaginaire, et comme beaucoup de malades imaginaires, ils sont même dans sa jeunesse, alors de bon, même adolescent, il était déjà je sais pas, dans l'adolescence, Agide n'était pas encore professeur de médecine, mais dans la seconde partie de sa vie, oui, un peu hypochondriaque. Alors sa mère, beaucoup on va en parler. Un mot sur son père, qu'il n'a pas vraiment connu, un petit peu plus que lui n'a voulu qu'on le croie. Son père, qui a été mobilisé pendant la guerre 14, de oui. 14. Ensuite, il divorce avec sa mère. Il entretient une liaison avec une femme qui est plus jeune que oui. sa mère. Et ça, vous dites, Jean-Marie Cattonnet, que d'une certaine façon, Gary ne lui pardonnera jamais. D'avoir abandonné sa mère, oui. Oui. Parce que c'est un couple divorcé, mais il se retrouve très vite seul avec sa mère. C'est un couple fusionnel, alors, entre le fils et la mère. Ah oui, oui. C'est un personnage et étonnant. C'est un personnage garien, hein. Alors là, c'est sûr. Même si le plus beau portrait qu'il en a fait, c'est dans Madame Rosa. l'époque, j'étais quand même très jeune, relativement fragile, comme tous les gosses, qui sont, vous savez que les gosses sont terriblement conformistes. Un enfant a quelque chose de... Il veut être comme tous les autres enfants, avoir une vie comme tous les autres enfants, faire le même genre de choses comme tous les autres enfants. Mais quand je me trouvais au lycée devant un professeur qui m'avait mal noté, à qui ma mère disait « Vous êtes un imbécile intégral, vous ne comprenez rien à rien, vous comprenez ?» Ça me donnait des problèmes. Parce qu'après, le professeur, il ne me voyait pas d'un bon œil. Hein. D'ailleurs, je me souviens de voir le lycée de Nice, ma mère, avec sa canne, arrêta un professeur, un malheureux professeur de mathématiques. J'étais complètement nullard toute ma vie en mathématiques. Il n'y a pas un professeur au monde qui aurait pu tirer quelque chose de moi à cet égard. Ah, mais ma mère, attendant le professeur devant le lycée, lui tombant dessus et disant que ce n'est pas mon fils qui a besoin d'être en quatrième ou en troisième, c'est vous qui devriez y retourner pour apprendre les choses élémentaires que l'on doit enseigner aux enfants. Vous comprenez, mais ça n'arrangeait pas ma vie, ni ma nature, je dirais même. Romain Gary, interrogé par André Bourin, c'était en 1973, oui, dans La Compagnie des auteurs. Alors, vous avez dit, Jean-Marie Cattonnet, que la mère de Romain Gary était un personnage garien. C'est quoi un personnage garien? C'est déjà un personnage excessif. Au bord de l'irrationalité, théâtrale. Oui. Une mère qu'on pourrait, d'ailleurs, si on voulait faire de la sous-psychanalyse, par sa personnalité castratrice, comme Freud l'écrit. Oui, mais Gary n'aimait pas tellement la psychanalyse, il considérait que c'était une activité de bourgeois, c'est oui, ça? Oui, oui, il déteste la... C'est pour ça que j'ai pris mes précautions. Mais elle aurait pu être castratrice, elle a généré l'inverse. Un besoin effréné de séduction. Et de créativité aussi. De créativité, oui. Alors le père, bon, il est quasiment absent finalement du paysage mental finalement de Romain Gary, sauf oui, justement. Allez-y. Il ressurgit dans La Promesse de l'Aube, d'ailleurs, d'un seul coup, ce père absent que l'on ignore, on ne sait pas qui c'est, surgit comme une sorte de deus ex machina, et il aura un destin tragique, il sera victime du génocide que les nazis feront en Lituanie, et là, il s'identifie à ce père, il le reconnaît comme son père par ce destin Donc il ne le reconnaît que en tant que victime des nazis, et pas en tant que père. Dans son œuvre, oui, en tant que victime des nazis, on trouve cela dans un des rares romans où il y a une allusion au génocide, qui est un roman extraordinaire, La danse de Gengis Khan. Mm-hmm. Et il se reconnaît en lui comme juif, alors que vis-à-vis de sa mère, il prétend que elle allait aussi bien à l'église catholique qu'à la synagogue, mais qu'elle était plutôt chrétienne, que lui-même s'affirme d'ailleurs comme tartare, alors les tartares ou les tatars ou les tartares, moitié juif, moitié tartare. Oui, mais c'est difficile d'être les deux en même temps, puisque c'était des génocideurs, des antisémites. C'était une provocation de sa part. La mère représente le facteur d'intégration de Gary dans la France, et le père, c'est le pôle qui demeure de judéité dans la personnalité de Gary. Mais il s'est reconnu comme juif, je crois vraiment, d'abord et avant tout. Il a été accusé d'être antisémite par les juifs eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu lui dire qu'il était antisémite? Hein? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser cela? Bah parce que, par exemple, il y a une phrase terrible dans l'interview qu'il donne de lui-même dans... Je cherche. La nuit sera calme. Mm-hmm. La nuit sera calme. Qu'est-ce que c'est pour vous être juif? Une façon de me faire chier. Mm-hmm. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, peut-être qu'il ne faut pas qu'on l'emmerde avec. Il se veut français. Il se veut. Il a certainement voulu très longtemps oublier ses origines juives. Et il, dans son œuvre, il n'est pas juif, sauf dans la danse de Gengis Khan. En revanche, il est évident que l'œuvre d'Émile Ajar témoigne de ce retour du refoulé. Émile Ajar est un auteur juif. Romain Gary est un écrivain français. Il y a quand même, ou peut-être faudrait-il dire en plus, cet extrait de ce livre dont vous parlez, La mort de Gengis Khan, dans lequel Gary explique que son père serait mort de peur en voyant les chambres à gaz. Oui, oui. Donc même pas dans la chambre à gaz, qui est une façon de diminuer son père. Oui, c'est très ambigu, cette identification et cette reconnaissance. Est-ce que ça signifie, moi, héros de la France libre, je ne serai pas mort en poltron? J'allais dire qu'il assassine. Il assassine son père en même temps qu'il le reconnaît. Mais Gary est un être irrationnel. C'est un être pétri de contradictions, comme tout le monde, mais lui, c'est exacerbé, quoi, ces contradictions. Enfin, ça, c'est d'autant plus irrationnel que, apparemment, tous les Lituaniens qui ont été tués par les nazis l'ont été fusillés. Oui. Donc ça veut dire qu'il devait le savoir, ça, quand même. Donc ça veut dire qu'il invente complètement la mort de son père. Il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste, hein, mais il n'y a pas de chambre à gaz en Lituanie. C'était à Auschwitz qu'il y a des chambres à gaz. Il n'y avait pas des chambres à gaz partout. Il n'y en avait pas à Buchenwald, par exemple. Ou simplement pour, il y avait des crématoires pour éliminer. Donc il invente complètement la mort de son père. Il l'invente, il la recrée. Donc c'est quand même un rapport à la judéité qui est étonnant. Oui. Comment vous voyez les choses, vous? De même que ses rapports avec Israël étaient très ambigus, et on lui a reproché aussi. Je propose d'écouter un extrait de La mort de Gengis Khan. C'est un roman qui se veut picaresque et comique, mais qui est basé sur une tragédie dont les coordonnées et les structures sont profondément tragiques. C'est le racisme et l'antisémitisme. L'histoire est celle d'un Dibouk. Le Dibouk, c'est un fantôme, un esprit qui prend possession d'un homme. Et l'histoire de mon roman, c'est un Dibouk d'un juif exterminé par un nazi, qui s'appelait Kohn, qui est venu habiter le psychisme de ce nazi, et que ce nazi, cet Allemand, traîne depuis 25 ans en lui ce juif qu'il a exterminé. Et je montre à quel point le psychisme juif a été profondément marqué par le nazi, qu'il n'arrive pas à expulser de son subconscient, et à quel point aussi le subconscient allemand est marqué par les juifs. Et en réalité, ce roman, c'est finalement le problème de mon propre subconscient, dans lequel se trouve à la fois plongé l'horreur du nazi et la tragédie du juif, dont j'essaie, dans la mesure de mes moyens, de se débarrasser. Et je ressens ce problème d'une manière tellement tragique et tellement dure que le seul moyen pour moi de s'en libérer était un mode comique. Ça, je n'aurais même pas pu y toucher. J'espère que les lecteurs ne s'y tromperont pas et que cet humour que j'utilise et que je crois être d'ailleurs l'humour juif est un cri de désespoir et d'agonie. Donc non pas un extrait, vous l'avez compris Jean-Marie Cattonnet, on a préféré finalement vous faire entendre le maître Romain Gary lui-même parlant de la danse de Gengis Khan. La danse de Gengis Khan a eu beaucoup de succès aux États-Unis, a été très très critiqué en France et accusé, bien évidemment, d'antisémitisme. Ils n'ont pas compris, je parlais des contradictions de Romain Gary, l'identité de Gengis Khan, qui est à la fois un juif en tant que Khan, et il porte le prénom de Gengis Khan. Il vit dans le subconscient, qui est un mot qu'il utilise souvent à la place d'inconscient, parce qu'il n'aime pas la psychanalyse, il préfère subconscient, Gary. Et il habite dans le subconscient d'un criminel de guerre. Mais enfin, pour un esprit simple, c'est difficile de s'y retrouver. Est-il bon, est-il méchant? Et c'est tout l'intérêt, justement, du livre Jean-Marie Cattonet. Donc, Romain Gary, au contraire de beaucoup de membres de sa famille, n'est pas confronté directement à l'Holocauste. Il vit en zone sud au moment de la guerre. Et il s'engage, ça va être un moment très important de sa vie, aux côtés des forces gaullistes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces années-là où il est aviateur, Jean-Marie Cattonet? Oui. Romain Gary n'a jamais été confronté à un Allemand, puisque de 40 à 44, il est hors de France, il est en Angleterre, et ensuite il est en Afrique. Il fait tout pour continuer à se battre, et il se retrouve en Angleterre, bien évidemment, et il intègre l'aviation parce que il a fait une préparation militaire, si je puis dire. Il se voulait aviateur, c'était presque une vocation. Alors, il l'explique à sa manière, en disant ce qui me plaisait dans l'aviation, c'est le costume, c'est le veston de cuir, etc. C'est sans doute un peu vrai d'ailleurs. Oui, aussi. Il va passer plusieurs mois en formation quand même, pour complément de la formation qu'il avait reçue en France à la base d'Avordes, et son premier terrain de guerre, c'est l'Afrique, c'est dans nos anciennes colonies. Mais ce qui est très curieux, d'abord, il reconnaît la vérité, il ne ment pas, il ne participe pas à des opérations de guerre dans un premier temps en Afrique. C'est des opérations de transport militaire, etc., mais qui sont très dangereuses parce que plusieurs avions s'écrasent, etc. Et c'est seulement dans la deuxième partie de la guerre qu'il va participer véritablement à des opérations militaires en Méditerranée d'abord, et puis surtout en Angleterre, dans la préparation du débarquement du 6 juin. Et là, on est dans une toute autre dimension, bien évidemment, mais ce qui est très curieux, c'est qu'il minimise sa participation. C'est peut-être la seule chose qu'il minimise, d'ailleurs, de ses exploits, oui, dans toute sa vie. Alors, est-ce que ça signifie que c'est parce que c'est le moment peut-être le plus important de sa vie? On sait qu'il a eu le sentiment, à ce moment-là, pendant ces années, de faire partie réellement d'une communauté avec les autres aviateurs, et que c'est peut-être la seule communauté qu'il revendiquera jamais. La seule communauté, oui, qu'il revendiquera jamais. Et d'ailleurs, il voulait écrire un ouvrage sur les Français libres, et il y renoncera tellement il se sentait incapable de parler, d'écrire à leur place. Oui. Alors c'est aussi Jean-Marie Cattonet, évidemment, l'origine de sa passion, on peut parler peut-être de passion pour le général de Gaulle. Autant les aviateurs sont sa famille, autant de Gaulle, c'est symboliquement son père. Tout à fait. Il y a quand même un petit décalage chronologique, me semble-t-il. En fait, il est surtout devenu gaulliste en 58, alors qu'il était devenu diplomate. Le deuxième bouquin qu'il fait paraître, en 46, je crois, c'est Tulipe. Il est dédié à qui? Il n'est pas dédié au général de Gaulle, alors que le général de Gaulle est au pouvoir. J'ai dit 58, non? 46, hein, excusez-moi. Juste à la libération, de Gaulle est au pouvoir. Et qui est-ce qu'il encense, à qui il dédie le roman Tulipe? Léon Blum. S'il fallait donner une étiquette politique à Gary, non pas l'étiquette de droite qu'on lui a collée pendant des années, et gaulliste, oui. Ce n'est pas le cas, il n'était pas de droite, selon vous ? Non, non. Il n'était pas de gauche non plus ? Gaulliste de gauche, centre-gauche, vous êtes en train de poser les questions, est-ce que Macron est de gauche ou de droite ? Vous pensez que Gary était macroniste ? Je ne sais pas. Ça aussi, c'est un petit problème de chronologie. Il était plutôt social. Il était anticommuniste, alors ça, c'est très très net. Et donc, du côté des socialistes, enfin, cette dédicace à Léon Blum, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, je crois. Mais il disait, en fait, de Gaulle, que c'était un rêveur réaliste, alors que pour lui, les marxistes, ce n'est pas des rêveurs, c'est des matérialistes. Oui, c'est des matérialistes. Et puis, il y a toute une tradition antidémocratique. Romain Gary, en tant que diplomate, a vécu l'asservissement de l'Europe de l'Est. Il était en Bulgarie, à ce moment-là, à l'ambassade de France. L'asservissement par les régimes communistes, donc soviétiques, antidémocrates. Ils ont pris le pouvoir non pas parce qu'ils avaient libéré ces pays-là de l'occupation nazie, ils ont pris le pouvoir tout simplement parce que ils avaient fait des coups d'État. Le plus grand, c'est celui qui a lieu à Prague. Bon, oui, parce qu'on n'a pas dit encore que après la guerre, et peut-être pour le remercier d'ailleurs, le général de Gaulle va faire en sorte qu'il ait un poste dans la diplomatie française, et donc il va faire toute sa carrière comme diplomate au service du Quai d'Orsay. Oui, mais alors justement, je parlais de décalage chronologique un peu. Sa grande période diplomatique, elle précède la venue du général. C'est en 1956, quand il est porte-parole de la délégation française à l'ONU, à New York, où il fait des déclarations péremptoires. Véridique ou non, c'est jamais avec Gary, où il aurait déclaré à la radio, qu'est-ce qu'on lui demandait, que pensez-vous du président Eisenhower? Il a dit, c'est le plus grand président américain dans l'histoire du Golfe, puisqu'on prétendait qu'il passait son temps au Golfe. Enfin là, oui, il n'était pas très diplomate en fait. Il était spécialiste. Et puis il agaçait beaucoup les autres délégations, y compris la délégation française à l'ONU, parce qu'il s'entretenait directement en russe avec le camp adverse, polonais ou soviétique. Et puis ensuite, sa deuxième grande période, et certainement la plus grande, c'est à partir de 58, lorsque il devient consul général à Los Angeles. Mais ce sera l'objet d'une autre émission. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et on marque une pause dans cette émission, le temps de retrouver Pierre Cros du réseau social littéraire Babelio. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, c'est d'hommes politiques que vous souhaitez nous parler. Oui, mais pas de n'importe quels hommes ou femmes politiques, ceux qui sont également écrivains. On le sait, notre nouveau Premier ministre est également un auteur de romans policiers. Il en a deux à son actif, coécrit avec Gilles Boyer, L'heure de vérité qui a été publiée chez Flammarion en 2010 et Dans l'ombre en 2011 chez J.C. Lattès. Les lecteurs sont souvent sans pitié avec les romans publiés par les hommes politiques. Mais à vrai dire, le roman Dans l'ombre a été plutôt apprécié. Il y a trois critiques assez positives sur Babelio. C'est un polar d'initié, nous dit un lecteur, qui dépeint avec un regard amusé mais sans concession les coulisses d'une élection présidentielle de la primaire au soir du second tour. Alors je n'ai pas le nez sur les ventes, mais en tout cas sur Babelio, on ne note cependant pas une grande curiosité post-nomination. Ah oui. Les trois critiques sont toutes antérieures à 2017. La nomination d'Edouard Philippe n'est donc peut-être pas le point de départ de sa grande carrière d'écrivain, mais j'imagine qu'il peut accumuler en ce moment, dans les coulisses du pouvoir, quelques anecdotes pour ses éventuels prochains romans. Ah bah sans doute. Est-ce que c'est un genre prisé par les hommes politiques, le polar, Pierre ? Eh bien oui, il faut croire que les eaux troubles dans lesquelles ils naviguent en politique les inspirent. On a essayé de les regrouper dans une liste sur Babelio. Elle est évidemment incomplète pour l'instant. N'hésitez pas d'ailleurs, si des auditeurs connaissent certains titres, à nous proposer, à nous suggérer des ouvrages. Pour l'instant, on retrouve, par exemple, Quand les brochets font courir les carpes, c'est l'un des polars de Jean-Louis Debré. French Uranium, c'est un roman d'Eva Joly, coécrit avec Judith Pérignon, une écrivain reconnue. On retrouve également des romans plus anciens, comme ceux d'Edgar Faure. L'homme d'État français a écrit plusieurs romans policiers sous pseudonyme. bon, trouble ou pas trouble, hein, les eaux, il faut pas toujours accréditer la thèse des eaux troubles. En tous les cas, on retrouve des chefs d'État parmi ces auteurs de fiction. Oui, alors je vais écarter les livres programmes, les livres vérités. Je ne parlerai pas non plus des mémoires qui peuvent être très riches. Hein. Celles de Churchill lui ont valu le prix Nobel de littérature. Celles de De Gaulle sont publiées à la Pléiade. Mais si on parle d'ouvrages de fiction, ils sont quelques-uns à avoir en effet pris la plume. Peut-être, Mathieu, avez-vous lu Le Passage ? Je ne l'ai pas lu, mais je me souviens bien du moment où il est sorti, en effet. Vous voyez, donc ça vous dit quelque chose, vous voyez qui est l'auteur. Ce fut le premier roman d'un ancien président de la République, également membre de l'Académie française, oui. Valéry Giscard d'Estaing. Alors l'histoire du roman, c'est celle de la rencontre entre un notaire un peu sérieux et une mystérieuse autostoppeuse. Alors malheureusement, je n'ai pas de critique à vous soumettre. Si des auditeurs ont lu le livre, qu'ils n'hésitent pas à nous faire part de leur avis sur Babelio. Alors entre-temps, Valéry Giscard d'Estaing a écrit plusieurs autres romans, comme Mathilda ou La princesse et le président. Peut-être que Valéry Giscard d'Estaing aurait-il pu créer un club de lecture avec Saddam Hussein. C'est étonnant. Comme vous y allez. C'est étonnant. Alors, on ne parle pas de politique, hein, mais c'est étonnant. Mais le dictateur irakien a également écrit un roman d'amour intitulé Zabiba et le roi. C'est pas une blague. Le livre est sorti en 2000. Alors, dans ce club de lecture de chefs d'État, on aurait bien sûr pu retrouver Obama dans la section jeunesse, puisqu'il a écrit un album adressé à ses filles. Et à la tête de ce club, en laissant encore une fois de côté la politique, peut-être aurait-on pu voir celui qui fut un brillant dramaturge et écrivain, devenu par la suite président. Je pense bien sûr à Vaclav Havel, dont une bibliothèque parisienne porte aujourd'hui le nom. Merci beaucoup Pierre Cros, tout cela à retrouver évidemment sur babelio.com. À bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture et nous entamons aujourd'hui une semaine consacrée à Romain Gary, l'auteur des Racines du Ciel. Je me trouvais à Bangui en 1941, nous faisions du luciole avec un camarade sur des troupeaux d'éléphants, Rasmat. Et à la suite d'un coup malheureux, le manche à balai, nous avons eu un accident grave, on a percuté un éléphant, mon camarade a été tué. Moi je me suis retrouvé endommagé, mais en fait pas trop, devant l'éléphant affreusement blessé. Et à ce moment-là, c'était la frontière du Congo belge, Dieu sait comment est apparu un garde-chasse belge, je ne sais pas qui il était exactement. Il y avait là un garçon tué et moi fort atteint. Il m'a donné un coup de crosse en pleine gueule en disant « Espèce de salaud, on n'a pas le droit de traiter la vie comme ça. » Ça a été quand même un choc assez extraordinaire, ce personnage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on écrit l'histoire littéraire? C'est vraiment curieux. À partir de je ne sais quel besoin intérieur, ces éléphants, qui étaient d'ailleurs pour moi plus que les éléphants, puisqu'il s'agissait d'une notion de marge où tout ce qui ne paraît pas immédiatement utile et nécessaire doit être préservé quand même, la beauté pour la beauté de la vie. J'écris donc ce roman. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans après? Il apparaît au Cameroun, je crois, un garçon qui s'appelle Mata, qui m'écrit des lettres de 20 pages du fond de la brousque, décrivant comment il défend les éléphants contre les chasseurs. Et que se passe-t-il ensuite? Mata se fait tuer par les chasseurs. Eh bien, désormais, pour l'histoire littéraire, je vous assure qu'il n'y a rien à faire, bien que la chronologie soit nette, Madame Mata vous le dira, mais il n'y a rien à faire. Partout dans le monde entier, les Racines du Ciel m'ont été inspirées par le personnage de Mata. Non, pas vice-versa. Romain Gary qui répondait à André Bourin en 1969. Jean-Marie Cattonnet, avec Les Racines du Ciel, on est presque là face au premier roman écologiste. Oui, tout à fait. Le terme d'ailleurs est utilisé. Est-ce qu'il est utilisé, il faudrait que je vérifie, dans la première préface ou dans la seconde? Vous vérifierez, vous nous le direz. Mais c'est de toute façon... Si le terme n'y est pas tout à fait, l'idée y est. C'est vraiment... Ça veut dire qu'il était lui-même d'une fibre écologiste? J'en suis pas sûr. Parce que l'éléphant, la préservation des éléphants, C'est la préservation de la nature, si l'on veut, mais c'est d'abord et avant tout la préservation des droits de l'homme. C'est cela. C'est l'éléphant comme métaphore. Oui, c'est bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'il se serait reconnu. C'est difficile dans le combat écologique d'aujourd'hui. Bon. Peut-être que c'est la préservation de la planète, il avait une vision universaliste du monde, hein, de culture cosmopolite et d'esprit universaliste. Alors certainement ça l'aurait concerné, mais la survie des grenouilles ou des têtards, je suis pas sûr que ça l'aurait passionné. Alors toujours est-il que c'est avec ce roman qu'il obtient en 1956 son premier prix Goncourt. Il ne savait pas, et sans doute personne n'aurait pu imaginer, lui non plus, qu'il aurait plus tard un second prix Goncourt. Très gros succès pour ce livre, Jean-Marie Cattenay. Oui, oui, un pavé, un roman très américain par le nombre de pages, déjà par les grands thèmes qui balayent, si je puis dire, la terre entière. C'est un idéaliste, Romain Gary. Ah oui, oui, oui. Il passait pour un réaliste parce qu'il adorait les déclarations provocatrices, mais oui, c'est un homme qui rêve d'un autre monde. Simplement, il le projette tellement dans un passé lointain qu'il pouvait passer pour un cynique. Il ne voyait pas l'irruption d'un monde idéal avant des siècles. Pour un futur lointain. Donc les défenseurs de certains idéaux, pseudo-idéaux qui nous promettaient de résoudre tous les problèmes dans la décennie qui va suivre, bah c'était quand même les marxistes, etc. Ça lui semblait ridicule. Mais on l'accusait de pessimisme parce qu'il il remettait à plus tard, dans un futur très lointain, la réalisation de ce monde où les valeurs l'emporteraient sur la réalité. Il y avait une sorte de réformisme chez lui, oui, l'idée que le changement se fait par sédimentation, oui, par petites couches. Il n'a pas du tout une pensée révolutionnaire. Elle est révolutionnaire en tant que telle, dans la mesure où il rêve d'un monde qui aurait rompu avec le nôtre, mais dans la méthode, les moyens d'action, les révolutionnaires sont des escrocs qui nous promettent d'ailleurs un monde idéal, et on voit ce que ça donne aussi bien en Union soviétique ou dans l'Amérique du Sud, hein, mm-hmm, qui est, si on lit les Mangeurs d'étoiles de Romain Gary, qui est un très, très grand roman aussi, un de ses grands romans. Qui raconte quoi? Qui raconte les désastres que connaît une jeune femme largement inspirée de Jean Seberg, comme souvent d'ailleurs, idéaliste, qui, grâce au, je sais plus quel est le nom que Kennedy avait donné, il s'agissait d'aller apporter la bonne parole et les progrès de la civilisation dans des pays arriérés, et elle part pleine d'innocence et de rêves, et elle monte dans un elle tombe dans un monde brutal et commence par, en revenant de l'aéroport, par se faire violer par le chauffeur de taxi, et le soir même le dictateur, je crois qu'il s'appelait Almayo, j'en suis pas sûr, qu'elle retrouve dans une boîte à la mode, qu'il l'enivre et disons le mot vulgaire parce que ça fait partie du vocabulaire aussi de Gary, il la baise et elle devient, elle, la représentante de ce corps d'idéaliste américain, la maîtresse en titre du dictateur, très heureux d'afficher une femme qu'il considère comme une pute, mais qui est une femme blanche. C'est quand même assez cynique, alors, comme vision des choses. Totalement cynique. Pourtant, oui, lui-même, oui, justement, parce que il a choisi Jane Seberg, qui était précisément une militante, oui, des droits de l'homme, ça signifie quand même que ça devait être un peu plus compliqué pour lui que ça. que précisément mais lui aussi. Et d'ailleurs, il l'a dit qu'il était un idéaliste. Il ne critique pas l'idéal que défend cette jeune femme, les valeurs pour lesquelles elle se bat. Il critique la réalité à laquelle elle est confrontée, et il critique ceux qui promettent de changer soudainement par un coup de baguette magique. Oui. Alors Jane Seberg, justement, puisque nous y arrivons naturellement, ils se rencontrent en 1959. Neuf, oui. C'est l'une des femmes de Gary, il en a eu beaucoup. On peut peut-être dire un mot d'abord de l'importance des femmes pour lui. Oui, c'est un homme à femme, mais en prenant la chose au bon sens du terme. Encore qu'il avait un côté très, très collectionneur. Mais en tout cas, Jean Seberg, c'est la femme de Gary. Il a eu trois femmes, si l'on veut, dans sa vie. Il y a sa mère, mais on n'a pas les mêmes rapports avec sa maman qu'avec d'autres femmes. Il y a Leslie Blanche, mais Leslie Blanche est plus vieille que Romain Gary. Je crois qu'il doit y avoir une dizaine d'années. Et il s'entend très bien avec Leslie Blanche. Elle est du même milieu que lui sur le plan intellectuel, culturel. C'est une femme écrivaine, une auteure, on dirait aujourd'hui. Elle a très bon niveau d'ailleurs. Elle connaît le succès avant Romain Gary, et il en est un peu jaloux, hein, et il le manifeste dans des interviews, mais le couple va se défaire, non pas parce que le couple ne marchait pas, il s'entendait sur plusieurs plans, et puis elle lui laissait une liberté sexuelle dont il n'avait pas à se plaindre. C'est l'irruption d'une sorte d'amour fou, hein, dans la vie de Romain Gary, de cette espèce de coup de foudre ressenti d'ailleurs apparemment d'abord par Jean Seberg. Il se rencontre 25 ans au cours d'un dîner, alors que justement il est à ce moment-là consul à Los Angeles. Oui. Et elle est mariée d'ailleurs. Elle est mariée à un Français. Et c'est elle deviendra la femme, d'ailleurs, qu'il n'abandonnera jamais. Il s'occupe d'elle après. Il la considère comme une sœur maintenant. Il y a un très beau témoignage de William Styron qui est sur la propre dépression de William Styron, mais il raconte qu'en 77 ou 78, ce témoignage s'appelle Au cœur des ténèbres. C'est un récit autobiographique. Il reçoit chez lui, en pleine dépression, un Romain Gary qui est aussi en pleine dépression et qui vient avec Jean Seberg, alors que ça fait 6 ou 7 ans qu'ils ne sont plus mariés, mais ils vivent proches l'un de l'autre, rue du Bac. Il ne l'a jamais abandonnée, c'est la femme de sa vie. C'est la tragédie de sa vie aussi, parce que la fin de Jean Seberg est épouvantable. Puisqu'elle se suicide, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, car les conditions dans lesquelles elle est morte ne sont pas tellement élucidées. On pense peut-être qu'elle a été assassinée. Elle venait de vendre son appartement, on ne retrouvera jamais l'argent, elle avait l'argent liquide sur elle. Elle avait fait une tentative de suicide à la station Montparnasse. Elle est dans une maison, elle est devenue pachydermique, c'est terrible. Et ça, ça l'a rongé. Il y a quelque chose de tragique dans cette fin. Il se sépare avant cela, en 1970. Les décennies 70, c'est aussi le moment de l'invention par Romain Gary d'Émile Ajar. Il faut, avant la fin de cette émission, qu'on en dise tout de même quelques mots. Le mystère ou le faux mystère du Goncourt, Émile Ajar continue de se cacher. Son identité a été révélée ce matin chez nous à France Inter par Jean Pichon à 7h. Le lauréat du prix Goncourt a quitté son domicile de Cagnac, du Caust, pour une destination inconnue en compagnie de sa femme et de sa fille. Paul Pavlovitch, c'est son véritable nom, a de solides attaches à Cahors. C'est là qu'il a rencontré celle qui est devenue son épouse. Il avait 18 ans quand il est arrivé dans la région. Il a ensuite vécu à Toulouse puis à Paris avant de revenir s'installer dans les Causses. Émile Ajar vient de confirmer dans une lettre adressée au président du Goncourt et aux éditions Mercure de France sa décision de renoncer au prix. Il s'explique dans une interview accordée également à la Dépêche du Midi. « Si je me cache, dit Émile Ajar, ce n'est pas tant dans l'espoir de préserver quelques scandales policiers ou littéraires quelconques, mais parce que j'ai besoin de préserver ma vie privée, ma paix, et que j'ai peut-être une certaine panique de la foule. » C'est tout à fait respectable. Jean-Pierre Elkabbach, que vous avez reconnu, j'en suis sûr, Jean-Marie Cattonnet, c'était en 1975. C'est amusant de voir à quel point Jean-Pierre Elkabbach est sûr de nous annoncer que ça y est, on sait qui est Émile Ajar, alors qu'évidemment c'est Paul Pavlovitch, le neveu de Romain Gary, puisque Romain Gary finalement va donner en gage son neveu, et il ne dira jamais de son vivant, c'est ça qui est assez extraordinaire, que c'est en fait lui qui écrit les livres de Ajar. On l'a cru jusqu'au bout, ils sont une toute petite minorité. Et vous-même, vous vous souvenez que vous aimiez Ajar, mais que vous n'aimiez pas Gary, c'est ce que vous disiez. Mais oui, enfin, je refusais de lire Gary, je ne pouvais pas dire que je n'aimais pas Gary, je n'aimais pas son image. Donc il a réussi finalement, parce que ce qu'il souhaitait, c'était relancer sous un autre style littéraire. C'est une réussite totalement suicidaire. Je voudrais revenir rapidement. Il a une vie multiple et on peut dénombrer au moins 5 identités chez Romain Gary. Il y a la première, qui est la seule vraie, qui est Romain Katchev. Romain Gary est un pseudonyme durant la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et c'est sous le nom de Romain Gary qu'il écrit son œuvre. Ensuite, il y a un second pseudonyme, Fosco Sinibaldi, où il écrit sur l'ONU. En tant que diplomate, il peut pas signer de son nom puisqu'il dénigre, il détruit l'ONU. La même année où il va publier le premier Ajar, il recourt à une nouvelle identité qui est Chatham Bogat, parce que c'est les têtes de Stéphanie, dans la mesure où c'est un roman policier. Et la même année, il endosse une dernière identité, un nouveau pseudonyme, c'est Émile Ajar. La différence entre ce dernier pseudonyme ou cette dernière identité et les autres, c'est que les autres identités sont constitutives de son mythe. Hein, c'est Romain Katchev, le petit juif qui se bat dans la France libre, même si très vite il adopte par prudence le surnom de Gary de Katchev pendant qu'il y était. Hein. Ce qui caractérise l'identité d'Émile Ajar, c'est qu'elle dépossède Romain Gary de son mythe, et elle va se construire contre lui en prouvant qu'il peut avoir du succès sous un autre pseudonyme que celui de trop connu, trop usé, utilisé. On m'avait fait une gueule, dit-il, à laquelle il voulait échapper. En prouvant qu'il pouvait écrire autre chose sous un autre nom, il détruit, j'allais dire, le mythe, la carrière, et pourquoi pas l'œuvre de Gary. D'autant plus que Ajar passe son temps à critiquer Gary de manière extrêmement violente et qu'il publie un livre pseudo. Où il considère, alors il appelle son oncle Tonton Macoute, il appuie toujours là où ça fait mal. Donc il y a la coexistence finalement de deux personnages qui polémiquent entre eux, Romain Gary et Ajar. Oui, Romain Gary dit j'admire la constance et la sérénité de mon neveu Paul Pavlovitch, qui a accepté de passer pour dingue, mais également il le fait passer pour un homme qui déteste Romain Gary. Et malgré finalement ce qui pourrait ressembler à un succès pour Romain Gary, puisqu'il se relance sous le nom d'Émile Ajar, en deux mots, il va tout de même choisir de se suicider, Jean-Marie Cattonnet. Oui, il décide de se suicider, on ne sait pas pour quelle raison, mais après avoir écrit un de ses plus beaux romans, c'est-à-dire « Les cerfs-volants », où il prouve que Gary est encore Gary. Merci beaucoup Jean-Marie Cattonnet d'être venu nous parler de la vie de Romain Gary, une vie que vous avez racontée dans Romain Gary de Villeneuve à la rue du Bac, publié aux éditions Actes Sud en 2010. Je signale également l'essai biographique que vous venez de consacrer à votre grand-père, Amédée Dunois de Clamcy à Bergen-Belsen, publié en 2016 aux éditions Arbre Bleu. Demain, on continue de parler de Romain Gary, ce sera avec Jean-François Angouette, mais tout de suite, c'est Jacques Bonafé qui fait dialoguer cette semaine James Sacré et Antoine Emaz. Rien, pas de silence et pas de solitude, la maison... Dans le printemps quotidien, la pelouse, une herbe pas cultivée, ce que je veux dire, c'est pas grand-chose, un peu l'ennui à cause d'un travail à faire. Et pour aller où, pourquoi, ça finit dans un poème pas trop construit, comme un peu d'herbe dure, dans le bruit qui s'en va, poignée de foin sec, le vent l'emporte ou pas, ça peut rester là, tout le reste aussi, la maison, pas même dans la solitude, printemps mécanique. Pelouse, faut la tailler demain, c'est toujours pas du silence qui vient. Deuxième verset. Est-ce que c'est tous ces poèmes comme de la répétition ? Répétition, la répétition est un des phénomènes essentiels de la poésie. À tous les niveaux de la langue, l'essence en poésie de la technique artistique réside en des retours réitérés, dit Jacobson. Est-ce que c'est tous ces poèmes comme de la répétition ? Je sais pas au moment qu'en voilà un encore, avec pourtant comme du vert, dans soudain les buissons en mars, un désordre avec des feuilles pourries, à cause du vent, avec le vert maintenant, ça fait une drôle de saison neuve et vieille. Est-ce que c'était pareil l'année dernière? J'en ai rien dit, pourtant j'en écrivais des poèmes, ça a servi à... Je me demande bien quoi, ça a disparu, des mots qu'on a dit, j'ai mal entendu. Figure qui bouge un peu, dans sa préface, Antoine Emaz dit « Pas de perron ou d'escalier d'honneur, la poésie de James Sacré est de plein pied, comme une maison de ferme qui ressemble quand même à un bonheur, avec pour seuil une large pierre un peu usée à force de passage de temps. J'imagine ainsi la ferme de Cougou, lieu d'enfance, pôle magnétique. Ensuite, il y a l'Amérique, d'autres voyages, la poésie, la vie, les rencontres, tout ce qui va nourrir aussi l'œuvre. Mais l'expérience fondatrice reste celle de l'enfance à la campagne, dans un monde paysan comme immémorial. Le pays que je parle, c'est pas loin dans le temps, c'est vivant. Mais rien d'organisé, les buissons, les jardins, tout, mal délimité, les arbres s'en vont dans les campagnes d'à côté, aussi le patois, c'est pas comme un cœur central à préserver, plutôt comme un pâti laissé, les autres le traversent, désordre, les grandes herbes cassées. Quand j'y pense avec un poème, ça détruit, ça refait le pays, le cœur est à côté. Ce monde est sale de bêtises. C'est Antoine Emaz qui parle dans Cambouis. D'injustice et de violence. À mon avis, le poète ne doit pas répondre par une salve de rêve ou un enchantement de langue. Il n'y a pas à oublier, fuir ou se divertir. Il faut être avec ceux qui se taisent ou qui sont réduits au silence. J'écris donc à partir de ce qui reste vivant dans la défaite et le futur comme fermé. Figure 3. Dans les yeux de mon père, soudain l'absence, un pays sans arbres, pas de pays. Le regard comme de la transparence et de la folie, nulle part, et c'est comme tellement proche. Descriptif, émotif, réflexif, narratif, Sacré est un poète du paysage, de l'espace naturel cultivé par l'homme, campagne poitevine ou américaine, mais tout autant jardin et même espace urbain parisien, comme à la fin des figures qui bougent un peu. Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.